Nous vivons dans un monde de fous. Tu as vu? Dans la rue, tout le monde marche en téléphonant. Bientôt, ça va devenir bizarre de marcher en regardant devant soi. Je suis d'accord avec toi. Hier, en allant au travail, j'ai rencontré Laurent. Il a acheté un ticket dans le bus tout en parlant au téléphone. Évidemment, il ne faisait attention à rien. En avançant dans le bus, il a bousculé une vieille dame. C'est incroyable! En continuant comme ça, nous allons vraiment devenir des monstres. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? L'appétit vient en mangeant. Tout le monde voit ces objets technologiques, tout le monde les veut en croyant que ça fait moderne. Quand tu vois un gamin de 14 ans regardant la télé en mangeant des gâteaux, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que j'ai trouvé mon fils l'autre soir. En passant devant sa chambre, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu lui dire bonjour. Il ne m'a même pas entendu. C'est ma faute de toute façon. En cherchant à le comprendre, j'ai laissé faire. Oui, mais c'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver une solution. C'est en faisant quoi alors? En étant créative. En lui proposant des activités intéressantes, en l'encourageant à sortir, à faire du sport.